Conlambi Music Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Premier dimanche de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 16h-17h. Demain, savoir sur quel pied danser et changer de main, sans forcer, sans faux semblant, sans faiblir, sans faillir, sans feinter, savoir sur quel pied penser, la force de changer de main. Plus ou pas c'est plus un café combat pour un morceau pain. T'as la cadice liquide ou vent longtemps j'apparais pour faire la guerre. Les petits mouncas m'offrent pour bouder, c'est les rabats des pleins. Cavalier aux dames, première figure, couleur. Présentez corps et âme. Je demande si vous amendez le monde des mondes dominants. Dépassez l'alignement des dominés. Si vos dos sont courbés, relevez la tête. Et les hommes de colère se sont levés debout face aux hommes couleur les traînant dans la boue. Triste combat de peau, douleur vernaculaire. Parce que tout le monde sait pas mouler le monde à l'envers. Ouvrez barrière pour laisser passer nos couleurs. Les étendards sanglants méritent d'être lavés. Après le sang versé, c'est vers le sens qu'il faut aller. Cavaliers aux dames, fini le temps des colonies. Laissez colonnes vertébrées, désappuyez vos libertés. Les petites sont cantons, sont cabouets, qu'a marqué l'esprit. Mais où pèse ou les marronnés pour tchèbe ça qui perd. Si l'on côté où y est ça qui vrai, les regardez bon pour tout dit brebis. Faudrait où ça choisit, ça qui tini l'amour réel. Si nous pas ça sentir, j'allais en toute couleur. C'est pas la peine rêver, soleil en bas bois. Si tout le monde est même gens, ça va te meilleur. C'est l'homme ou c'est le kaba, on tira cli l'espoir. C'est pas goumé qui change des mains. Moi c'est un homme ou c'est yon aussi. Ou pe fini par les rêves, moi. C'est pas coulé capote crédit. C'est pas goumé qui change des mains. Moi c'est un homme ou c'est yon aussi. Ou peut venir parler avec moi. C'est pas coulé capote crédit. Cavalier aux dames, reprenez à la cadence. Belligérance c'est décadence. L'homme qui lutte est l'homme qui pense. Si créance n'a pas croyance, la question n'a pas réponse. Pas bégayer, pas déballer, déshabiller, mauvais sujet. Avancez en position positive sur la ligne. Je vous ai dit de dégourdir les esprits qui biguident. Laissez passer les esprits vides. Votre histoire est votre guide. C'est pas coupé qui changer des mains. Moi c'est un homme ou c'est yon aussi. Ah! c'est celle-là qui choisit nous, pas elle. Je dis la pluie tomber, demain soleil là qu'elle veut. Ou tomber jeudi là, demain ou tout, ou pleurer jeudi là, ou qu'elle y demain. Faut nous bon nous dans main. Fréquence Paris Pluriel 106.3 et sur internet rfpp.net. Premier rendez-vous de l'année pour l'émission Conlambi à partir de le dimanche à partir de 16h. Et premier dimanche du mois, c'est donc l'heure de musique jeudi avec La Voix et EDS. Donc une sélection spéciale, une sélection rétrospective pour l'année 2017. Et donc voilà, on a décidé de faire différentes catégories pour présenter ce qui nous est comme des coups de cœur en fait de l'année 2017. Donc on a plusieurs catégories qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Pour le moment, c'est une sélection jazz caribéen chanté. Là, on vient d'écouter Arnaud Dolmen, Tombé Lévé, pour le même album. Non. À tout de suite. À moi, le jour déjà commencé, mais tu n'es plus là. Quand es-tu parti? Notre amour, un temps animé, s'est figé dans le froid. Sans se toucher, sans guerre ni fracas, l'histoire est finie. La lumière du matin a dissipé mon chagrin et soudain l'horizon s'est élargi. Une envie, terreau fertile cueillir des fruits mûris au son des îles. Laisse mon amour, on s'avoue aimer moins, qui ou près, qui ou loin, on s'avoue aimer moins, les qu'en moi sourit, tant qu'à sourire avec moi, si en moi plein la pite, t'as au cas coulé à six mois. Laisse tes en moins chargé, ou pas soulagé devant moi. Côté moi, en pas de vie mauvais, pas tout calé à six mois. Moi, ni chance, l'amour, quand t'as protégé moi. Bonjour à tous, la voix de Conlambi vous a présenté la thématique du jour. On fait une rétrospective de l'année 2017 pour introduire 2018 avec les meilleures sélections Musique Jeudi qu'on a retenues pour vous. C'est EDS qui vous parle et à l'instant c'était donc la sélection jazz caribéen, mais particulièrement avec des invités vocaux. On récapitule, on a écouté Stéphane Castry, le titre « Changer de main » avec Simone Lagrand et Stéphane Filet. Simone Lagrand qui est intervenue de nombreuses fois dans l'émission Musique Jeudi. Arnaud Dolmen avec le titre « Tomber levé » où il apparaît avec Éric Pédurant et Fom Kika au micro. Bocanté, le groupe composé de Malika Tyrolien et de musiciens de Snarky Puppies. Et voilà, c'était pour la partie jazz chanté et on va passer maintenant à une partie trap à texte. Simon Allo, on rentre et l'école bosserait dans petit tac avant cyclonigo. Antibouk Paris, on mit dans la coula. Yo dimension, on est mis aux Indiens, mis en chabina. Mis en blanc pays, mis en mille, la 13, mais en bien, ouais ça. En j'y vais jouer, passe l'intérieur, l'empathie qu'on est ça. La rentrée collège, pitez la pompe d'autres niveaux. Pourtant, c'est un cas vivre si t'es un black people. Ou moins qu'au charbon, ou loin qu'on voudron. Au fond, irait ou loin, alors son couillon. Si mal ou loin qu'on dit l'ennui collé. Ou loin qu'on ouait fête, hey, ou loin qu'on conne brûlé. De là qu'à mander les parents, qu'à nous qu'à faire la plaie bleue, en si on me passe, j'espère retourner en bas là. Yeah. Mais tous les pour couleur. Louder. Et tout le pour couleur. Et tout le pour couleur. Turn me up, man. Let's go. Et tout le pour couleur. Que toujours y'en rêve d'abattre, tant peu que yo pas qu'à douter yo. En que toujours chopé yo à la patte, pas dans les collègues qu'à shooter yo. En que toujours ennemi à arnaque, que la force qu'à mettre pour faire tu à black. Que toujours dit les petits frères à yo bat, ensuite à la fac pour pétouer yo. En fait, surtout loin, quoi moi, en fait, que j'en peux pas me shooter. Mais pas ça, ça bien, très bien, ça mieux pour s'en dans nos coupiers. S'en peut nous pas chien, pêche chien, et comme ça, j'ai nous tout près. Police là qu'à ouais, mais c'est nous seulement qu'à couler. En que toujours black, que toujours plus fort, qui raciste, que toujours plus franc, qui passif, qui toujours plus fou, plus fougueux, plus actif, black, toujours que plus fort, qui fasciste, peut que j'ai tout, ni canisson, ni mémoire, t'es nous que toujours ni racine. Nous nous cédons en esclaves. Martini, Guadeloupe et Guyane, nous ni identité, c'est là qui voyait nous descendre, quand des bêtes à dans cache, quand continue. Cavaille bas les mêmes familles qu'elles y'ont mettre pour contrôler nous, mais bon, ça pas grave. Si préfère la PAC à parler créole, elle peut procurer la non plus. Madame la juge, n'en parle même pas. Rien qui greffier la fête au pays. On va faire qu'à commis d'office. Pour un petit frère, pas ni mourir. Arrêtez l'école en cinquième, sans pas comprendre ni obligé qu'elle fait son prix. On pas qu'à guérir par les Saint-Ol. Pourtant, pas ni l'argent à l'hôpital. Donc pourquoi les autres ne parlent des trêves? Sans transférer la tour FNT. Que nous tuer nous bas sur sa vitale. Pour s'en peut continuer voler terre. Les éclairés en haut de la montagne. Vé laisser les miens à peuple à été. Gendarme là pour le maître de l'ordre, pas protection de la population. Ça, ça veut dire nous toutes coupables, et ça même pour les plus innocents. Vous, ou peut crier, on la loi, il peut déplacer si pas ni sans manier, car fou refuse, y'a ou y'a n'est aucun vrai parlant, y'a aucun descendre. A pas répéter, moi, pas t'es bien vrai. En vrai, j'autre cabine des pieds au loin. Pour la foncer, oui, mais y'a qu'à vrai clair. C'est y'a qui tout va sortir à vrai noir. C'est y'a qui l'est en sportif défoncé. Sont fiers de dire qu'elle a ici français. Toute vie en nous, c'est un travail forcé. Pour un pays, fait nous tout fioncelle. Et en plus, on lâche, on pas ni crème. Tout ça pas coup, mais ça rend moins à faire. Maquiller vérité, toute histoire en même peine. Mais y'a que toujours aide, ni ça dans les chaînes. Abolition, fait pas d'idée, colonisation. Pourquoi après traître esclaves, on pas colon, indemnisation. Aïe, un péché, j'ai changé, c'est toujours les mêmes motivations. Quand tout ça nous nie, fait nous travail complète. Pour ça, tiens bien en position. Concrètement, monsieur le piqué, yo bon, c'est à mon paquet l'argent. Pour chaque nègre, il était cafreté, qui fait à la fin son paquet million. Yo gouba yo, les têtes, yo faut les 6 centièmes. Forcé, nous travaillons dans BDAF 1000 et ni c'est top. C'est même l'argent, la chisse à présent. Mais l'école, ça va raconter blague. À ce qui paraît, c'est blague qui va. Nous toujours en Basel, yo. C'est yo, conscience. C'est yo, mon seul pep. C'est yo, pep mais. Nous toujours en Basel, yo. C'est yo, yo mettez nous à genoux. C'est yo, fais nous travailler en bas cour. Nous toujours en Basel, yo. Tachine et pisillam, j'enfant pays planté. Tout ça a souhaité, produit de qualité. Mais yo les fait nous croire que c'est ça qui importe. Qui bon pour nous tout ça pour dominer. C'est yo. Nous toujours en Basel, yo. On a enchaîné de très gros messages dans cette sélection trap. Ça peut en surprendre quelques-uns. Trap ou d'influence trap, c'était Williams Café avec le titre Poukoulet. C'est extrait de son album mixtape Self-Esteem. Je vous invite à aller télécharger ça gratuitement sur le net. Kérosène avec le titre Black, un très gros lyrics à écouter. New Belay avec son morceau Grandet en featuring avec Colobarst et Isis Majumba pour le titre Fuck Papé. Et on enchaîne maintenant avec notre sélection rap caco de l'année. Maman il a moyen danger toi, moyen danger bon Dieu, moyen danger au soir. Maman il a moyen danger toi, aïe moyen danger j'ai à belle danger rien maïla. Choisir un chemin, m'pa bouen, m'pa fimen. C'est moi que madame m'en, katime pour dimen. Nous a mal menen, combat pour menen. Pan passe l'en men, di fe kalimen. Yo di glow poisonen, les gym poisonen. Poisson poisonen, tout con cassonen. Nous ka décalé, bois pour nous aller. Kouman yo palé, la j'ai déclaré. En c'est la rivière, yo pas corpolier. Koumen bon latin, yo pas bétonné. Yo di chamaré, c'est pour lapider. Nous ni député, mais yo limité. Yeah. tami Ek moun ka kouri Resto la fami Tout pendant temps hein? En blanc ka pran plan Porte yon fos lan Fè médicament Vie voye desan Fè pharmacie van Jerry soue 10 ans Traitement pou 10 ans Effet secondaire Nou ka chimise Ka chemise Chimè chimitie Chère miyowa Se pou soin docteur Entre l'hôpital Consiste l'hôtel Santé se komès Se pou sa yo pièce Pale nou konèt Sa nou te konèt Yeah, yeah. Okay, okay. Mano y Shango. Shango. Aïe. Check it. OMY PKJT. Objet musical, yo poko jeten. Gade je encadé son. Koukou sap, ta fun con, ta prétend. Kote sit pa ni bran, ni ka bon ton. Ante jaka lage, louvik sa te zio. Ani musique, assiste, ordinate. Kako ke ate, acte, innovate. Si yo pa ka joué, c'est bon signe, kon si le pate. Gade za fe, nou ja fe. Wadou pa basade, travay la ka fet pape. Ouais, nou des fois maje. MCK découvert, dit fait nous J'étais laser, nous maille et velate. Show consacré à de gratte, c'est baffé. MVP comme Morgan Carter. Chaque chez Anishai, c'est la guerre. Ichango pro, flow, fichai. Un cabolage, un mètre qu'on mette nage. Qu'on troisième boîte magie. Bien connaître, mettre number one, ta foucrage. Nous sacrés en l'harmonie, nous en les valets. En harmonie, on manie boula et ve maquet. Précision professionnelle, l'homme à amateur. Précision professionnelle, l'homme à amateur. Précision professionnelle, l'homme à amateur. Nous là, travail la café papé. Précision professionnelle, l'homme à amateur. Précision professionnelle, l'homme à amateur. Précision professionnelle, l'homme à amateur. Nous là, travail la café papé. It's a one drop type of thing right there. I gotta get it right until I get it right. You dig? 1 minute. 1 minute pour les supporters depuis les assistants flow. Ça qu'a bon mes forces là, depuis l'époque à Bordeaux. En minute pour les lyricistes qui a travaillé la plume. Pas qu'on les rappait terre à terre, qu'a compté si autotune. N'a pas blagué si ou ni prévoit sa factuelle. Premier rappeur, franco-sibiriti sa factuelle. En minute pour ça qu'a douté, t'es vers des bars établiés. Qui ont sorti en cuisine là, pendant ce cela qu'a mijoté. Tout ça qu'a dit, l'on pas qu'a représenté rap créole. Faut te dire, l'on pas qu'a représenté qui rap créole. Pitié l'esprit. Compétition, moi c'est Nicki, c'est Young Ma, c'est Rapsody, Rémi Ma, ou pas qu'a été noir là. On mine pour ça qui pas caché, chez connaître que t'y pop. Étonné yo, ou moi la pointe, ou nous qui pisse qui glock. On mine pour ça qu'a comprendre, flou qui toujours prend pisse. Miami yo, crime gang, ce floor, pas business du plis. On minute, minou rivé à bouteille. J'ai qu'à regretter pas qu'un grise autre one time. Yeah. Lyrics a moyen ka fè kung fu On yon mauvais flow sorti piqué Lyrics a combattu qu'on capoeira à base you Mi yon tisson pour mettre vous bien Pour mettre vous bien C'est pas ni la peine, n'y dit pas ni gain L'habité la rête, trouvez d'autres chimé L'habité la rête, trouvez d'autres chimé C'est là qu'on veut qui mounouille Ou on rête, même si pas j'ai trop tard pour prier Pas jamais tant de temps, t'as mon cas doué Mauvais décision, mais y'a que tous les cas douté Réponds en contrôle là Si on actionne pas votre parole là Mi alcool là, qu'a parlé en place ça Mal parlé, c'est là qu'a servi au brassa Mi c'est poussant, préféré dolo Qu'on s'anime, oh no Seulement les mêmes, pas ni nouveau Ou peut pas en photo, yeah Ou peut pas en photo, yeah Ou peut pas en photo, yeah Laissez-yo m'étonner, Laissez-yo chiffonner Si l'amour pas qu'à raisonner We ain't gotta do this thing here I'ma stay away from your energy So many of us, me ain't gotta be I can switch it up, you can see the skill Overdoing it, you got zero chill 1 minute Sterling, faut qu'on bouffe aussi, c'est j'signe en maison dit que c'est un big deal. Peace man, Odi Shango, son en met dans le building. Freestyle storytelling, j'trop de feeling. Si j'dis que c'est pour te kill, Richie, dark skin, lyriciste de Lit King from Libreville. Wicked sur le beat, checkist de Speckle featuring. Rap, musique, sans beats, fils faisant du beat. Tout de suite sans bullshit, S ou check, neige. Je prends un chèque pour ce 16, vite chien, mise en échec. Respect, mais qui c'est deck, Jamal Finest. Sur une prod signée Calabas, parlons beef tech. Tu sois au bruit dans vos têtes, revenu net. Je fais recette dans le black market et tous les internets. Négro intellect correct, plutôt du genre select. L'exercice de style en jette sur ses rimes parfaites. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. L'année en plus en mise, senti en indice. Science, loquant, son micro-pidance qui en ministre. Payez-nous, cash, flash, rapide, un liquide. Passe, promesse, dette, gaz, Olivier Labit, c'est tout ça. Une love pour la nat, qu'on en émise. Gagne vers son lac, on brosse à de dentifrice. Que tout le monde check, doit être save en indice. Soit connaître, soit qu'on mette sa gueule en envie. Mais y'a le whisky, quoi y'all, c'est une ancilice. C'est une nouvelle, c'est en plat, c'est une tao ancilice. Dans la métal, qu'on en solo, métal. Ishango, il a pit, si est la capitale. Cool, un général, ça va. Fait cardical, qu'on équilibre idéal, ou savent ça vital, ouais. Tout travail, qu'à méguité, ça l'est. Pas essayer, fait nous quoi que t'es, nous pas d'ivaler, non, non. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Payez-nous. Payez-nous, c'est payé. Alors, mes chers compatriotes, le combat, tu n'es jamais gagné d'avance, mais le combat n'est jamais perdu. Fais ça, n'y a fait. Tchèbe la relève et foutez plus fait. Arrêtez, pensez qu'on les assiste. Semblez tous ceux-là qui veulent résister. Gardez ça, nous n'y analyser ça. Souque les têtes, organiser ça. Râler des amis pour ambiancer ça. Crier la famille pour miser si ça. Mettre vanité en nous en rasier. Gardez la vérité en mute en rasier. Apprendre parler sans nous babier. Fonctionnant sans mève ou sans papier. Arrêtez faire mani comparaison. Parlez fort, les nous n'y raison. Sans foutre de sa bolo coupé quoi. En nous, pas battre, déye, en nous. Transformez toute haine nous ni à l'amour. Commencez garder qui boune qu'à encaisser l'argent en nous. Commencez garder qui bite nous qu'à mettre en vente en nous. Arrêtez quoi, ni un qui la filière touristique. Les chaque l'année, ni un paquet de bac scientifique. Commencez produit, j'ai la nous qu'à consommer. Tout ce qui prend là, elle qu'on a crié, elle gore. Arrêtez quoi, les ni en ligne, nous en ouest. Commencez voir Haïtien, Guadeloupe, bien fait et c'est. Commencez apprendre propre l'histoire en nous. Pas attendre parce qu'on moune, mais que j'ai fait pour nous. Commencez propagande nous à deux business à musique. Pas tomber passer des nouvelles provocations physiques. Et fait travail des mecs et meilleurs qui hier en nous. Pas battre des yeux en nous. Conland B, musique jeudi. Donc rétrospective de 2017. Là c'était la catégorie rap caco. On a commencé avec ce qui est pour nous l'album de l'année 2017. C'est Boogie Fla. Sur l'album Rêve Évolution, le morceau c'était Danger avec en featuring Pierre Dru de la M4. Ensuite, nous avons eu beaucoup de morceaux de Mano Dichango, c'était PPLA, donc le single de l'année aussi dans cette catégorie. On a eu une surprise de la part de la rappeuse Flo et Exos pour les Fresh West Indie Style. Donc deux freestyles d'une minute que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc freestyle 1 et 2. Nous avons eu ensuite Ishango Sound pour le EP Ishango Kako. Le morceau c'était Payez-nous, un morceau produit par Calbas Mass. Et pour terminer, c'était Exos Mekakola avec toujours Mado Dichango en featuring. Et le morceau c'était En nous. Là, on va enchaîner avec une sélection dancehall reggae. Et tout de suite, c'est Pompis. Pompis. arrêté. Toi, on caille la niche à roue avec Pretty Girl. Ah oh, ah oh. S'il vous plaît, 26-15 DJ mets ça. Money pour l'or, pour les autres, c'est rato. Amo Kabay, Bagbal, Olen Karo. Biggie Bam, Zimorato. Promette au Snapchat. Ça bête à une bête macro. Et toujours qu'elle macro pour Vanto. Bref, son capetek, son capetek, son capetek, tek. Audio, bref. Son capetek aussi à war. Bouteille champagne, capetek aussi à war. Dirty girl, dem, capetek aussi à gars. Ou soit un homme qui est femme, capetek aussi à moi. Nef maga movin Ken Rihanna. Motox dem mada, motox dem Griana. All this a ready ma big up mo bridge in a wax. S again one god is a finna rock. S again one god is a finna rock. All of the epa test they us a finna rama. All of the epa test they us a get finna. All of the ake dem mouth full of chow. I am para bouge les chow. Père de couille sur la ta. Go, keep up, go. Papa yo leve Chewbacca. So when dis-moi, il savait que mort avant de connaître Paris. Mais physique et si attention si vous pas connaître Paris. Il donne des vieux quand il dit que ville a été correcte. Jadis, lui, sa vraie paradis, la sion, t'il y l'est déjà ri. Les moyens sans soleil, là, j'ai pris les deux en nous trois. Pour nous continuer entre nous, quand faut nous jobs. On y a reproché nous, quand on y a reproché les autres. N'empêche, ça t'es plus belle, les yon t'es capable à les balottes. Les plus grands pères, les jeunes, voyez les grands phoques. Vie qu'on a pas connaître, dit pop, tout petit pas connaître. Nous manioc, nous gagnons nous entre nous, on pas connaître à qui la faute n'empêche. Zo c'est moi, n'empêche en ces autres. Si yo pas moi, on pas fou, pas sans fier. Et même les arabes est flou, on s'affaire. Même si Bill avant moi, cou en raboué. En nous, mais en mec. Tremblé, ancien Guadeloupéen. Tremblé, devant Guadeloupéen. Tremblé, ancien Guadeloupéen. À part bon Dieu, en papé aïe. Pétanque, faut bien, c'est un calibre pour ôter. Téléfrancé, qu'a parlé de nous, tout le monde choqué. Mais à dans ça, c'est toujours une Guadeloupe qui couche. Toqué, pour voyant tomber, tout le monde qu'a s'y porter. Pour aider monter la bourse à tout le monde s'y côté. Chiré, nous vrai misé en silence, tout le monde ok. Grâce à café, qu'elle nous l'a toujours, merci, bon Dieu. Dis au bon moyen, pas fou, pas sans fier. Et même les arabes, flou, on s'en fait. Même si Bill avant moi, cou en kakwe. En nous, mais en mec. Tremblé, ancien Guadeloupéen. Tremblé, devant Guadeloupéen. Tremblé, ancien Guadeloupéen. À part bon Dieu, en bas, père. Oh, oh, oh, oh, oh. Mon paradis. Faut pas nous oublier, faut pas nous oublier non. Oh, nous passer notre pays. Faut pas nous oublier, faut pas nous oublier. Oh, nous causer notre culture. Faut pas nous oublier, faut pas nous oublier non. Oh, nous passer notre pays. Faut pas nous oublier, faut pas nous oublier non. Oh, nous causer notre culture. L'histoire les marques est en haut de sang. Tisseur, ton yeux il brille comme un diamant. Faut remettre tout ça au sol pour aller de l'avant. Un héritage pour donner pour toutes bonnes enfants. Quand l'heure l'a déboulé pour personne la liberté. Nous a fait battre le fer avec le ciel pour nous révolter. Quand l'heure l'a déboulé pour personne la liberté. La donne à nous la force pour nous compter. Faut pas nous oublier, faut pas nous oublier. Oh, nous passer notre pays. Faut pas nous oublier, faut pas nous oublier. Oh, nous causer notre culture. We have to give thanks and praise. Better know, better know, better know. We, we have to give thanks and praise. Better know, better know, better know. Je chanterai toujours pour mon Bible. Je remercie encore la Bible. L'accueil et l'enfance est simple. Thank you so much my people. Je chanterai toujours pour mon people. Je remercie encore le people. L'accueil et l'enfance est simple. Thank you so much my people. Là y'a pas bling bling, soit Gucci, j'y sais du piolo. Tous les massifs et les princes, ils se mobilisent pour la cause. Les équipes se composent, les bénévoles se proposent. Pour monter le reggae à son apothéose. On est là, on le vit, on ne nous le raconte pas. Ayana y'a prêcha pour cette expérience là. Merci pour ça, un big up mes blanas. Pour la force et l'énergie que tu nous donnes, si ça. Merci mon people, je chanterai toujours pour mon people. L'accueil et le love sont si simple. Thank you so much my people. Je chanterai toujours pour mon people. Je remercie encore mon people. L'accueil et le love sont si simple. À l'instant, un très bon privilège, un très bon florilège dancehall reggae de l'année 2017. On a démarré en trombe avec Pompis, le titre très court, 3615 DJ. C'est une nouveauté aussi, ça vient tout juste de sortir, mais directement sélectionné. Kérosène, qu'on a aussi entendu avec un des traps de l'année, cette fois, c'était le morceau Petit à Papa sur un mélange dancehall groka. Le Martiniquais Strikeadi rencontre le Maloya de la Réunion sur le titre Faut pas n'oublier, extrait de son dernier album. Et on salue enfin, on vient de terminer avec l'album Nouvelle Donne de Yanis Odua qui aura marqué cette année une très belle réalisation. C'était le titre My People où il remercie ben, notamment son public de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe. Un artiste qui porte haut les couleurs du reggae local et on se souvient encore de son très gros concert cette année à l'Élysée-Montmartre et de son passage dans les plus gros festivals reggae d'Europe et plus encore. Et on enchaîne cette fois avec la sélection Soul Electro Hip Hop de 2017. Seconde, pas ni minute, au soir là vous et moi, pick it up, nous qu'à démarrer, c'est pour toute la nuit, intensif, nos limites, besoin détacher moi, envoler qu'il y a un gars lancé coupable, si ou pas ni bon charge, si moi, laissez-moi mener ou pas un signage, pas moi tout si c'est qu'on s'oublie, à deux minutes nous qu'est savourer. Mon petit moment où nous qui caresser, cajoler, apprécier. Vini ou baby, le soir là c'est rien qui nous chérit. Vini ou baby, le soir là c'est rien qui you and me. En ressenti nous en face, comprimier fois, comprimier soir, doudou. Sentis-nous comme d'hab, ensemble, ensemble. L'amour plus fort, chérie. Non, nous pas ni limite. Nous sillons d'autobie, baby. Ou tellement magnifique. Que tout ça, ou m'en démoué, hein, qui baouli. Si c'était seulement physique, en t'es dit ou non, ça pas véridique. Ou mignon l'esprit si authentique à mettre moi en folie. Donc, pas moi tout si c'est qu'on s'ouvre. À deux minutes, nous qui peut savourer. Un petit moment où nous qui caresser, cajoler, apprécier. Vini ou baby. Au soir là, c'est rien qui nous chérit. Vini ou baby. Au soir là, c'est rien qui you and me. Vous péritez devant moi. Ouais. Mais les jours rivés, mouvement s'est fait d'ailleurs. Car vous voulez en dire, c'est un sacré problème. Ouais, fais-moi. Si nous faisons toi dans tout, en case là. Fais-moi confiance, si point nous désespérer aller. Catégorie soul et électro hip hop pour la rétrospective Music Jeudi 2017. On a commencé par Nomis et le morceau En Phase, produit par Cyril Dalexy. Et là, en ce moment même, c'est Anda de Sango en provenance de Suisse avec la voix de Mimi Nelzi. C'est sur donc c'est le titre Rete Konsa et c'est sur le EP le projet Fifile que vous pouvez trouver sur le Bandcamp. Et là nous allons terminer avec notre dernière catégorie, c'est la catégorie hommage. En fait, une sélection d'artistes hip-hop en majorité. Ouais, je crois que c'est même que des artistes hip-hop qui rendent hommage à des artistes d'une autre, de la génération précédente, on va dire, ou d'artistes comme A Tribe Called Quest. Donc, on va écouter ça tout de suite. C'est pas ni confiance, sans salade, ni capoté. Rétez comme ça, attends, rétez comme ça, toujours. Attention, on va tomber. Yeah. Ah ah. Assis dans un pas, mon goût pour la fraîche. Chercher des charges, tête chargée, là j'ai fait fromager. Mi comme mon école, des mots 4 power, des wa. Coco Zala, il parle, avec ma calotte, palof. La nuit en catalogue, salope, qui la cabalote. Bonne, bonne, bobo, capoin, pour la bonne parole. Saki, coqui, contre toi, tu cotes cri. T'as pris pas ça, qui met cocaine, il cotes cri. Les poules pour nous, poules pas pour nous, pour la compagnie. Saki Zani, capoin, saki panique, capi. Tactique, dictat, imitibli, la tablati. La kill qui victime, non pas sa petite limite. Where you bow, where la jeunesse au far west, bow bless. Mauvais nouvelle, et c'est ta ouest, c'est ta voisine. Va toujours connaître pied, poing ni racine. Avant et vine, papier pour ça fait magazine. Sensation pas sensationnelle, profession pas professionnelle. Exception pas exceptionnelle. Mi modèle, est spectacle, est sa belle. Ouais, bal, bazel, voler passer du trail. Si, si, ça si, assis sous son clairé, sans la rel. Si sous ses poils, assassin sans sévelle. L'éducation occasionnelle, sans coup sans sel. Est-ce nous perdre l'essence sans essentiel? Assimé, y'a qu'à espérer, pas de l'espoir. Pas ces jours-là, ça man. Ça caille chaud, ça caille chaud, ça caille chaud, ça caille chaud, ça caille chaud, ça caille chaud. La violence a tourné trop vite, en bas ça vaut la pour aller, aller, oh la putain de. Complètement débordé, quoi la cacombe, c'est top, et en bas ça vaut la pour garder. C'est pas qu'à bouger, je dis, ma t'es fine, à spin, à don, benzoti. A pas tout est sorti, on s'est décidé, ou tout dit, pas souti, moi dépassé, depuis tout pis, ta vie se réalise, rêve moi. Quand la vie qu'a servi, c'est pas qu'à vivre, pour rêver, ou à pas vivre, encore c'est survivre. Rémi, allez nous libre, nous paye là, nous voulons vivre, là nous voulons, pas de chien à pied, pas de chien à moi, mais pas de chien à moi, pas de chien à moi. Trop chien à tête là, t'es déjà plus loin. En mettre trop sacrifice dans l'hôtel là, bon Dieu, ça se rêve moi. Alors, alors, ma cabaye encore, ma descend encore, entre un studio là, ma ca frappe encore, ma ca fait plus fort, plus haut, passe plus ni hôtel, plus ni valet, qu'on dit X là, payez-moi à l'aise. Montrez-moi des dollars, des euros, ou des deniers. Ouais, passage à passer là, j'ai mon loin pour qu'on manie. Album en stock, pour qu'on manie, cartouche hip hop, créole, en y en trop, mille deniers. En tout, j'en garde, faut y qu'à toucher dans ma sotte, tout. Pas ni place pour qu'on tout. Visez juste coup de shoot, bla. Ni en d'autres chocs, vous aurez à sotte. patte à la sans d'autres flops, si touche qui azote. Levez mes azotes, levez mes azotes, levez mes azotes, levez mes azotes. Ce qui est chaud, ce qui est chaud, ce qui est chaud, ce qui est chaud, ce qui est chaud, ce qui est chaud. Guadeloupe, pas comprendre la ville à Yankee qui douce. Les CTH, c'est la montée constatée. On peut pas tester testostérone, guada. Constex, c'est un quadré, l'année d'un cache bras. Mais les sentences la tombent. Que mon gars vient vrai au parloir. Maman, oui, encore fois, maman. Mais maman, la qui rachète, c'est blanc, t'es blanc, t'es un jardin. Aïe, ta pitrice, pour qu'il joigne, puis bas. Chaque timon, il s'en dit, aïe. Pisca, sam, piranha, son bocal. Que Jésus-Christ, son bocal. Mais quand vous le faites, les en entouaille. Ouais, gardez bien en entouaille. C'est quand mon gars foutait bordel, bien s'en foutait pas mal. Cocaïne, sexe, champagne, ça banal. Coute calam, pangal, bouté au toit, l'état, c'est l'agence de travail. Hey, sucker, nigga, whoever you are. Hey, sucker, nigga, whoever you are. Hey, sucker, nigga. Hey, sucker, nigga. Whoever you are, whoever you are. Hey, sucker, nigga. Whoever you are. Hey, sucker, nigga. Whoever you are. Check the sound. Hey, sucker, nigga. Hey, sucker, nigga. Whoever you are. Mon son Guada Negus, Kaki Guada Negus, OMC qui jalas, ouais pays a yoba crasse, nous gagne grâce, digi calme qu'a manifesté, pas la peine mettre des mines, la vermine, j'infesté, où j'ai senti nous inspirer. On m'a écamé en nous, c'est l'esprit qui a opéré, nous qu'a défendre, ça nous y est volé, pas qu'a prospégué, ou pédit ça ouvré, c'est lumière qui vérité, qui moun qui t'es peu prédit, que c'est là nous dérivé. Venant et après positivité, vine si ve Guada, nous t'es gahélé, car ou qui d'arrivée, que j'ai honte, mais qui toujours contre médiocrité. Je dis même en nous faisons pour la jeunesse, mais ça va coûter. À bon question, sur ça qui pour coûter, j'ai connecté hip-hop. Manière vive en forme, spécialité, troisième zé ouvert, pas garder trop. Actualité, travail la bien faite, intellectuel, capitalisé. Continuons notre quasi par les français, tous les médecins bon parler. Il dit c'est brainwash, éducation de programmation. Assis on wash, en méditation. Man, en décidé de finir, moi, passant pas yo-yo, pas moi. En décidé de finir, moi, passant pas yo-yo, pas moi. En décidé de finir, moi, passant pas yo-yo, pas moi, bah yo. Ça veut pas si aïe, ça n'y valait pas moi, Guada Negus. Negus, Negus, Negus, Guada de France, Negus qui est bon temps, Guada Negus. Hip hop, en tête à point pour dans un fesse, fouche t'inquiète, toi confiance à tête bien propre. Tous les problèmes t'es à dans zoo. Et comme en tête à point, si grand FR rappeur fait des potes, c'était Baggy, Biggy, Small, Akassisi. Pas t'es connu Facebook, ni portable, ça t'es easy. One, two, bon, Mike là, on avait just on radio, nous t'es qu'à poser des bombes, c'est si si. Ou fâche même si nous pas t'es ni on m'aide, mais t'es qu'à pour nous pour des fous, qui t'es bisé, on aide. En tête à ni on aille, on pour hypocrite et wakem si. Pas t'es ni cocaïne, t'es qu'à fumer, ni qui sait si. Nous t'es mais hip hop, mais pas t'es ni. Pour manifestation n'est qu'ira. Gars, oh my god, ça t'est bonne l'été car. Ni des mouvements anti-dansant, socio-culturel là. T'en as passé, mais malgré tout, je suis des yo-microphones. Ça reste assez de passants car elle connaît que c'était la bonne. Elle fait comprendre des tickets qu'on a ri à haute coup de la. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon. Nous t'es qu'à flex. Nous t'es qu'à flex. Nous t'es qu'à flex. Gars et Jean, nous t'es qu'à flex. Songez les banques, mais on bat des V-check. Bouya! Allez, yo, tout ka respect. En pâté, ni y'a si y'a aussi pour yo T-V-check. Bouya! Allez, yo, tout ka respect. Mais que mon te cabrile, yo, on danse yon break. Bouya! Allez, yo, tout ka respect. Pas songez les banques, mais on bat des V-check. Bouya! Allez, yo, tout ka respect. V-check, Bouya! Hommage aux fondations dans cette dernière section de nos prix de l'année 2017 dans Conlambi Music Jeudi. On voit bien que le hip-hop créole fait toujours partie de nos favoris. Et là, on est dans l'élite du hip-hop créole. En premier, c'était Boogie Flaha, le titre « Moins en vie ». Une reprise, un hommage à Kassav. Vous avez entendu la voix de Jacob Desvarieux samplée dans le refrain. Et un très très gros lyrics que Boogie Flaha n'a même pas mis sur son album Rêve Evolution. C'est pour vous dire le niveau de cet album qui était notre album de l'année. Ensuite on a eu un inédit de Star J de la Guadeloupe, Star J du Karukera Crew, avec le morceau Sakai Show qui reprenait un titre de Sakio et une performance exceptionnelle au micro. Peut-être la performance de l'année, on va dire. On a enchaîné avec Mano Dishango. Mano Rudy Shango, eh bien, vous l'avez beaucoup entendu dans cette heure, donc on peut déjà révéler que c'est l'artiste de l'année pour Musique Jeudi. Beaucoup de projets, une très belle variété de projets. Et là, c'était le morceau Guadanegus, extrait du EP Marron Minuit, qui reprend en créole l'album classique de Tribe Called Quest, Midnight Marauders, avec un hommage à Five Dog. Et vous avez entendu dans le flow ce respect des flows de Q-Tip et Five Dog, énorme album. EP mixtape, on ne sait plus quel est le titre, mais on va dire que c'est le EP mixtape de l'année, Marron Minuit. Et on a terminé, on a triché, j'ai mis le titre Nuteka Flex de Malkema, qui est sorti en fait en ce tout début d'année, mais voilà, c'est encore un hommage aux fondations du hip-hop. Vous avez entendu Nuteka Flex, il reprend les flows de Das FX, de Busta Rhymes, et il y a même ODB à la fin. Donc voilà, la voix. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette année 2017, de ce cru? Je trouve qu'en en termes d'hip-hop, c'était hip-hop créole, c'était énorme et très très riche. Mention spéciale pour Boogie Fla, dont on attendait l'album depuis un petit moment. Puis bien sûr, Ishango Sound, la Mistake Fanbase, voilà, énorme. Et puis en jazz caribéen aussi, c'était une grosse année. On a eu le droit à plein de titres, des titres de enfin l'album de Sonny Troupé, l'album de Ralph Lavital, j'en oublie, il y a eu Céline Languedoc, il y a aussi l'album de Max Mona, Vérité, qui était un album pareil qu'on attendait. Donc voilà, une année qui était particulièrement riche hein, pour nos musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe, et on espère que pour 2018 ce sera la même richesse et le même entrain. Voilà. Conlambi, Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois, 16h-17h. Je précise que vous pouvez entendre tous les podcasts de l'émission sur le site streetdiamond.fr. Dans la partie podcast, vous allez sur Conlambi et vous avez toutes ces émissions. Et celle-ci va bientôt se rajouter dans la semaine. Merci à tous, à bientôt. Bonne semaine, on se quitte avec un dernier titre. Hein. J'ai mis ma petite touche, c'est Sonny Troupé avec Une Fin. Et on vous laisse ensuite avec l'équipe haïtienne qui prend la suite. Au revoir et bonne semaine et bon début d'année à tous. Bonne année. Qui pequait qu'on tout joue.